Les taureaux s'ennuient le dimanche quand il s'agit de courir pour nous. Un peu de sable, du soleil et des planches, un peu de sang pour faire un peu de boue. Mais c'est l'heure où les épiciers se prennent pour Don Juan, c'est l'heure où les Anglaises se prennent pour Monterland. Qui nous dira à quoi ça pense, un taureau qui tourne et danse et s'aperçoit soudain qu'il est tout nu. Qui nous dira à quoi ça rêve, un taureau dont l'œil se lève et qui découvre les cornes des cocus. Les taureaux s'ennuient le dimanche quand il s'agit de souffrir pour nous. Mais voici les picadors et la foule se venge. Voici les toreros, la foule est à genoux. Et c'est l'heure où les épiciers se prennent pour Garcia Lorca. C'est l'heure où les Anglaises se prennent pour la Carmencita. Les taureaux s'ennuient le dimanche quand il s'agit de mourir pour nous. Mais l'épée va plonger et la foule se penche. Mais l'épée a plongé et la foule est debout. C'est l'instant de triomphe où les épiciers se prennent pour Néron. C'est l'instant de triomphe où les Anglaises se prennent pour Wellington. Ah, est-ce quand on vend à terre, les taureaux rêvent d'un enfer où brûleraient hommes et toreros défunts. Ah, ou bien à l'heure du trépas, ne nous pardonnerait-il pas en pensant à Carthage, Waterloo et Verdun, Verdun.